10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. C'est Planète Indie, c'est l'épisode numéro 385 et comme chaque mois, eh bien, on a pas mal de nouveautés à vous proposer. On va vous faire découvrir le meilleur du monde indépendant, le meilleur de la musique alternative. Donc restez bien avec nous, nous sommes donc ensemble, je vous le rappelle, jusque 18h30. Et puis histoire de vous faire saliver un peu sur le programme d'aujourd'hui, je vais vous donner quand même quelques noms. On écoutera un nouvel extrait de l'album de Lowlands and Friends, cet album qui reprend eh bien, la setlist du dernier concert de Tons Van Zandt. On écoutera Pagliacci, les Ukrainiens. On écoutera d'autres nouveautés comme Gus McKay ou Sarah Marielle. Et puis on ira faire un tour sur le nouvel album des Pink Dust, un album qu'on vous a, leur précédent album. On vous l'avait proposé comme powerplay il y a quelques mois de cela. Pour l'heure, pour commencer cette émission, je vous propose de commencer avec This Human Condition avec Strangers in the Night. Et avant cela, tout de suite, une autre nouveauté. Il s'appelle Principe Valiente. Et le morceau s'intitule Strangers in the Night. Ça, c'est Principe Valiente, pardon. Je vous avais parlé de This Human Condition. Ce morceau, lui, s'appelle Breaking the Code. Donc, on remet tout dans le bon ordre. On commence par Principe Valiente avec Strangers in the Night. Et puis après, This Human Condition, Breaking the Code. Restez bien avec nous. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 18h30. We'll be right back. Your sterling work at Bletchley Park, shining light into the dark. Your genius was at the heart of bringing the end to war. What did he do, this brilliant mind? Falling in love. Was seen as a crime. I don't like the irony. There's no justice I can see. Now you're at the mercy of a queen. And we're breaking the code. Breaking the code. S'appelle This Human Condition et le titre de le morceau c'est Breaking the Code. Avec tous les événements qui se passent actuellement, quand je parle d'événements, je fais allusion aux problèmes de hacking, de piratage informatique. On pourrait croire que c'est lié, mais si on fait attention aux paroles, c'est pas ça du tout. Enfin bon, ça s'appelait Breaking the Code et leur nom c'est This Human Condition. Avant d'aller faire un tour sur le nouvel album du groupe Les Pink Dust, un album qui s'intitule Night Vices, je vous propose d'écouter Henrik Blomqvist accompagné de ses amis. J'ai toujours autant de problèmes à le dire. Henrik Blomqvist and Friends avec Perfect Dream. Thank you. Perfect Dream, Henry Blomqvist and Friends. Et le vôtre, c'est quoi votre rêve parfait? Je vous propose, si n'est pas trop, s'il peut être dévoilé publiquement, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook, puisque Planet Indie est sur Facebook. Vous tapez simplement Planet Indie avec un E au bout à la française, hein, Planet Indie, I-N-D-I-E aussi, avec un E au bout. Et puis rejoignez le groupe. Et il y a pas mal d'artistes qu'on écoute qui sont membres du groupe. Donc si vous les entendez dans cette émission, vous pouvez directement les contacter sur notre groupe. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et d'ailleurs, un qui fait partie du groupe, c'est Cliff Littlefield, c'est la moitié du groupe de Pink Dust, puisque l'autre moitié, c'est Roy Mitchell Cardenas. On les avait écoutés il y a quelques mois de cela avec leur premier album qui s'intitulait simplement The Pink Dust. Le nouvel album s'intitule Night Vices. Je vous rappelle que le groupe, c'est les Pink Dust. Leur site internet, c'est facile, www.thepinkdust.com, thepinkdust.com, donc la poussière rose.com. Et nous, on écoute le morceau qui s'intitule Open Your Eyes. Et puis après cela, ce sera Steve McNaughton et One More Shot. Hey, this is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. nothing left to go wrong. So cut the cotton gin. Voilà, il s'appelle Steve McNaughton, le morceau c'était One More Shot. Je vous avoue que quand j'ai reçu le CD, que j'ai vu la pochette, je n'imaginais pas que j'allais trouver dessus un, et il y en a même plusieurs des morceaux comme ça qu'on peut écouter et qu'on a envie d'écouter à fond les manettes, hein, parce que celui-là, on avait envie de monter le son, et si vous l'avez fait, ben vous avez eu bien raison. 17h28 minutes, eh bien il est grand temps de partir à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais parlé, on l'avait découverte le mois dernier. L'album, c'est celui de Zoé Schwartz, Blue Commotion. On les avait écoutés la semaine dernière et je vous avais dit que je vous avais un peu frustré parce que j'avais dû couper le morceau, le premier morceau, et c'est le premier morceau qu'on va écouter aujourd'hui. C'est la même, la plage titulaire, celle qui donne son nom à cet album. Le morceau s'appelle This is the life that I choose. Le morceau dure assez longtemps, me semble-t-il. Oui, il faudrait déjà que je vous programme le bon, parce que je vois que ce qui est programmé, c'est pas le bon. C'est pas grave. De toute façon, le temps que je fasse ma petite bafouille. Donc, ce morceau, This is the life that I choose, dure assez longtemps. On avait dû le couper le mois dernier. On va l'écouter en entier aujourd'hui. Je vous avais promis qu'on l'écouterait en entier. Ben, on va le faire. Alors, l'histoire de ce groupe commence par un duo et par l'histoire des deux personnes en particulier. Donc, ça commence avec Zoé Schwartz d'un côté. Et Rob Corral de l'autre. Zoé Schwartz, elle est donc originaire de Grande-Bretagne. Elle a une éducation musicale classique. Elle a été diplômée dans les arts de la scène de Trent Park, c'est donc à l'université de Middlesex. Et puis elle a beaucoup pratiquer la musique à la sortie de ses études, essentiellement dans des compositions classiques et des compositions d'improvisation moderne. Il est cependant apparu assez rapidement que ce qui convenait le mieux à sa voix, c'était le blues ainsi que le jazz et les ballades plus expressives. De son côté, on a donc Rob Corral qui, lui, n'a pas de diplôme dans les arts de la scène, de diplôme musical. Il s'est fait lui-même, il a débuté lui-même et il était embarqué dans la vague jazz, on va dire, la vague jazz anglaise, et il a fait de la scène et travaillé avec des gens comme Jim Mullen, Django Bates, Bill Bruford ou encore Tim Garland, pour ne citer que cela. Ils se sont rencontrés puis ils ont commencé à jouer ensemble en commençant par reprendre des chansons populaires du grand répertoire des chansons américaines. Leur duo, suivant les circonstances, devenait un trio, un quartet ou un quintet, et il était donc plutôt orienté Jazz. Voilà, ça c'est l'introduction pour notre album Power Play. Donc on va en écouter ce fameux morceau, This is the Life that I choose. Il dure 6 minutes 33. Je vous promets, on l'écoute en entier ce mois-ci, puisque le mois dernier on ne l'avait pas écouté complètement. Je vous rappelle le nom du groupe, Joe Schwartz, Blue Commotion. C'est notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. comme promis, jusqu'à la dernière note. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Solveig. And this is Stevie. From the Pacific Northwest, and you're listening to a song from our new album, Zombie Lover. On Planet Indie. If I had a dollar bill, yeah, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Little darling, she's a redhead thing, and she makes my legs to sing. Gonna buy her a diamond ring early in the morning. C'est l'un de mes morceaux préférés sur la liste des morceaux qui ont été joués par Tons Van Zandt au cours de son dernier concert le 3 décembre 1996. Et l'ami Lowlands a invité ses amis pour reprendre la setlist de ce dernier concert. Ce morceau s'intitule Dollar Bill Blues. Donc on reste un peu dans le blues avec ce morceau. C'est un très bon disque. J'hésite presque à vous le passer comme powerplay. En général, j'ai tendance à prendre des disques avec des compositions originales et pas des reprises. Je vais voir, je vais me tâter pour la suite. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, quelque part, j'aime autant donner la parole aux compositions originales, en tout cas pour le powerplay. Pour les reprises, bah, si elles sont bonnes, pourquoi pas. D'ailleurs, on en aura encore une tout à l'heure, donc restez bien avec nous. Allez, je vous le dis tout de suite, ce sera une reprise d'un morceau de Michael Jackson, le morceau Billie Jean. Mais ça, c'est pour un peu plus tard dans l'émission. Pour l'heure, on poursuit avec les Ukrainiens de Pagliacci et Black Flowers. Et avant cela, une nouveauté, je pense qu'on ne les a encore jamais entendues dans Planet Indie. Il s'appelle Masters of the Illuminati. Et le morceau s'intitule 10 Million Years. Like flowers, the way you're in. vous rappelle, c'était les Ukrainiens de Pagliacci avec Black Flowers. Et je vous rappelle aussi que, si vous ne le savez pas, vous êtes à l'écoute de Planète Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois sur les ondes de RGL pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Vous nous écoutez via les ondes radio, vous nous écoutez via le câble de télédistribution au Luxembourg et en Belgique aussi, apparemment aussi bien chez vous que chez Proximus. Donc vous pouvez nous trouver sur le câble et puis vous nous écoutez aussi via Internet sur le site de RGL ou via le site de Planète Indie, c'est possible aussi. Et puis nous sommes aussi sur Facebook, donc vous n'hésitez pas. Vous tapez Planète Indie dans Google et vous arriverez directement chez nous, pourvu que vous écoutiez, vous tapiez Planète Indie correctement. Donc c'est-à-dire avec un E au bout de Planète et de Indie. Aussi, d'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. Et puis après les grosses voix de Pagliacci, je vous propose d'écouter une voix féminine, bah oui, Bev Grant avec Hang On Girl. C'est un peu plus calme. Hang on, girl. I know it feels like you are dying, and it's hard to stop your crying. You were sure you had the right one by your side. You're not the first to be forsaken, or to feel like you've been taken for a ride. You know I've been through it, even thought I knew what I was doing when I gave away my heart. Elle s'appelle Bev Garrett, c'est la première fois qu'on l'entend dans Planet Indie. C'est la plage d'ouverture de son album It's Personal, et le morceau donc s'intitule Hang On Girl. 17h55, il est grand temps, on est vraiment pas en avance aujourd'hui, il est grand temps de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle le nom de, le titre de cet album, This Is The Life I Choose. C'est l'album du Zoe Schwartz Blue Commotion. Ce groupe, eh bien, qui est le résultat d'à peu près 10 années de cheminement musical, donc entre Zoe Schwartz et son guitariste Rob Coral, deux individus qui viennent de points de départ complètement différents et qui font de tout cela un sacré melting pot de diversité musicale. Outre Rob et Zoé, on trouve dans le groupe Peter Whittaker Hammond au rythme et puis Paul Robinson aux percussions. Paul Robinson qui a joué notamment avec Nina Simone, Van Morrison et Paul McCartney. Donc autant dire que c'est pas n'importe qui, lui non plus. Ils tournent ensemble et ce groupe existe donc depuis 2012, donc ça fait peu de temps hein, qu'il existe, depuis février 2012 même pour être exact, et cet album This Is The Life I Choose est leur quatrième album studio, donc ils n'ont pas traîné, quatrième album studio, et puis ils ont fait aussi deux autres albums, des albums enregistrés en public, notamment un album qui s'intitule I'll Be Yours Tonight qui est sorti en juin 2015. Au niveau des albums studio, on peut citer notamment les albums Exposed et l'autre qui s'intitule The Blues Don't Scare Me. Ces albums et ces performances ont valu en peu de temps et bien pas mal de reconnaissance au groupe Zoe Schwartz Blue Commotion et pas mal de nominations dans les différents awards. On peut citer par exemple des nominations et une deuxième place notamment pour Zoé au 2014 British Blues Awards, une nomination en 2015 pour le Best Band, donc le meilleur groupe de blues. Ça, c'est pas n'importe qui non plus qui peut faire se prévaloir de cela. Ils ont aussi donc tourné beaucoup sur scène et leur but, eh bien, c'est de rafraîchir un peu le genre et la musique qu'on catalogue sous le nom de blues. Voilà, je vous propose d'écouter un second extrait. Celui-ci s'intitule We're Going Wrong. L'album, je vous le rappelle, c'est This Is The Life I Choose. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Thank you. wish you could be a muse for me. Tell me that I'm grave and not be joking. Wish you could be my inspiration. What she is thinking, no one can say. Her smile is like a breaking wave. She's as deep as the ocean. Her eyes can hold you for, seems like a lifetime. The heart is in your hands, just stop beating. We're making now. Am I dreaming again? Not even close, yeah. Although I think I have fallen,

Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Gianni Brivice, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Some say we are who we are. We are born with our plans already made. And some say we draw our own charts. Where to go, how to choose, and where to stay. Make a bet with your own fate. Make a bet with your own fate. Make a bet with your own fate. And give your heart chances. Make a bet with your own fate. It will never be too late. Make a bet with your own fate and give your heart more chances. Ooh. Ooh. Ooh. We are born with our plans already made, but we can choose which path to walk. We will learn best by making our mistakes. Ooh, make a bet with your own fate. Make a bet with your own fate. Make a bet with your own fate and give your heart a chance. Make a bet with your own fate. It will never be too late. J'aime beaucoup le thème de ce morceau de Sandra Marielle, Make a Bet with Your Own Fate, qu'on pourrait traduire eh bien, littéralement « Ose un pari avec ton propre destin ». Donc en gros, ça veut dire « Ose dans ta vie » et elle dit aussi que quel que soit ton âge, eh bien, il ne sera jamais trop tard et c'est on ne peut plus vrai, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de suivre ce conseil. Voilà la minute philosophique de cette émission Planet Indie. 18h19, on doit encore retourner sur notre album Powerplay. L'album « This is the life I choose » du groupe Zoé Schwarz Blue Commotion. Je vous ai à peu près tout dit, enfin tout ce qu'il y avait à dire. Les prochains concerts, si vous êtes du côté de l'Angleterre, puisqu'elle tourne essentiellement en Angleterre, ce sera le 10 juin à Southampton au Platform Tavern, le 15 juin au Lighthouse à Poole et le 17 juin au Victoria Hotel de Dorchester. Son site internet, c'est pas compliqué, c'est bluecommotion.com. Et puisque j'en ai à peu près fini avec Zoé Schwartz et son Blue Commotion, je vous annonce, parce qu'il est en grand temps pour vous si vous êtes jeune, créatif et vous êtes actif dans le milieu de la musique, il y a un concours qui est organisé par le Screaming Field Song Contest Amplified by Cactus. Donc c'est un concours organisé par le Rock Lab de la Rocale. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 juin, donc il ne faut pas traîner. Et le vainqueur gagnera un artist package qui comprend notamment l'enregistrement et la production de votre chanson au Rocale Studio, le tournage d'un vidéoclip, une campagne publicitaire, du temps d'antenne, et puis des répétitions et à la Rocale, et aussi une release party à la Rocale. Donc, plus d'informations, www.screamingfields.lu/songcontest. www.screamingfields.lu/songcontest. C'est jusqu'au 15 juin, donc dépêchez-vous. Allez, on écoute Zoé Schwartz, Blue Commotion, le morceau Hold On. Je vous rappelle, c'était notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Voilà, c'était notre powerplay dans cette émission numéro 385 de Planet Indie, le groupe Zoé Schwartz Blue Commotion avec l'album This is the Life I Choose. Il est bientôt temps de nous quitter. Je vous donne 2-3 dates pour les concerts de la Rocale. Ce soir, eh bien, vous pourrez écouter Wellesley Arms au club. Le 7 juin, le Ivors leur tour. Le 12 juin, ce sera Green Day, mais c'est complet, il n'y a plus de tickets. Le 19, Baroness. Et le 21, notez la date, c'est la fête de la musique au Rock Lab et l'entrée sera pour l'occasion gratuite. Pour la suite, eh bien, allez voir le site de la Rockal, 3xrockal.lu. On poursuit en musique avec en ligne droite avec E. Bennett, Smoke Fill My Lungs. Et puis si on a le temps, on écoutera un petit peu de Steph Sini avec Mr. Edwards. Just let your smoke fill my lungs. Let love it just be. Let your sigh hide away. You're the form of air that I need. Lose your breath, our fire burns. Just let your lips tell me about my mind. I'll wait to learn. Find out what you could be. I knew, I accept. Voilà, c'est encore une autre nouveauté, c'est la première fois qu'on l'écoute, ça s'appelle E. Bennett, Smoke, Fill My Lungs. C'était l'épisode numéro 385 de Planet Indie. On va encore écouter un petit peu de Steph Sini avec le morceau Mr. Edwards. Je vous rappelle que cette émission, si vous l'avez ratée et que vous voulez la réécouter, elle sera rediffusée demain dimanche, donc entre 17h et 18h30. Et puis on se retrouve, nous, pour l'épisode numéro 386, le 1er juillet, donc sur cette même fréquence. Et puis comme vous le savez peut-être, si vous nous êtes fidèles, cette année, on va fêter les 20 ans de Planet Indie, donc je vous proposerai une émission spéciale, une ou voire deux émissions spéciales. Retour dans le passé, ce sera probablement pour la rentrée de septembre. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon dimanche, et puis n'oubliez pas que lundi, c'est férié, ça c'est une bonne nouvelle. Rendez-vous donc le 1er juillet pour l'épisode numéro 386 de Planet Indie, et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur internet ou réécouter aussi nos émissions, puisque le podcast de l'émission sera aussi disponible sur notre site. Voilà, je me tais, je laisse la place à Steph Sini et puis je vous dis à la prochaine. Oh Mr. Edwards, you're my shining light, my angel in the sky. Your love has gotten me through the hard times, Mr. Edwards. share them with you. Was enough.